frère grave. Ma yibi ni sous sous pantalon ya yola bol si mon gros sou. Et ça le locoté. Et ya va kouchema. Masoudi Ramazani Rami. Juma Rego Niembo. Komanda espira kande. Mokonzi ba okata. Et un kon la tweta pila. Olivier Bélière. Tous pepele ya mbetolo. Allez Soudi. Périmikaye. Banina boyo kana konzemba quand tu gas sur le défi. Castellante. Nabi bwele nyoso yase. Tamwa maseka konya matiti. Baleki bamoni bati. Allez Soumbo. Babesi sango na mboka na bankumu. Balobita kwa komiso ba esengeli ba baye. Bakoti zamba. Iber Malina. Aninya kimana samba bakwa keli. Maindombe, bébé de Dasse.